C'est très fort, ça c'est nouveau, Joël Corry, il s'appelle Tears on My Piano, ça se passe comme ça dans l'After Fun Radio, Mato Platine jusqu'à minuit. Bon, t'as vu, tout ce week-end, il y avait l'Ultra à Miami, énorme festival de la dance music, qui a malheureusement été un petit peu gâché hier par de belles grosses averses. Bah oui, ça fait deux ans de suite, hein. Il va falloir qu'ils s'y habituent un petit peu, mais bon, voilà, c'est toujours aussi impressionnant par contre, l'Ultra, par contre, hein, c'est un truc de fou ce festival. Et une averse de bonheur également, ça c'était un petit peu plus tôt dans le week-end, oui. Avec la première scène partagée entre David Guetta et Sia pour le morceau Titanium. Depuis la sortie du son, c'est la première fois qu'ils l'interprétaient ensemble sur scène. C'était aux côtés d'Afrojack. Franchement, on a mis la vidéo sur les réseaux de Fun Radio. N'hésitez pas à aller voir ça parce que c'est juste magique. Mais même à voir quand on n'y est pas, moi, ça m'a ému, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Et Sia, le costume est dingue, hein, encore une fois. Vrai. À chaque fois, il y a des mises en situation assez improbables et on adore aussi Sia pour ça. On va l'écouter dans un instant. Tiens, Titanium. Allez. De Sia et David Guetta. Et tiens, on va se faire la version Fun Radio Ibiza Experience. La version de Morten, la version future rêve. Et puis là, dès maintenant, Tiesto, tiens, qui lui reprend un énorme classique, c'est celui de High Flow Reverse Drifter. Oh, L'After. Fun Radio. C'est l'After Fun Radio.

jusqu'à minuit. L'After. C'est l'After Fun Radio. Ce genre de dose sérieuse, c'est Signal, ça s'appelle Friday I'm in Love, encore une découverte, encore une nouveauté de l'After Fun Radio. 22h56, on fait la fête pour bien démarrer la semaine avec Matt au platine. Et je sais que mon Matt vous a encore réservé quelques belles surprises, n'est-ce mais pas? Mais une bonne surprise, et oui, David Guetta qui arrive avec Anne-Marie pour le Allez Baby Don't You Hurt Me. Voilà, ah, on va le faire en plusieurs mots. LMFAO en classique pour le Parti Recontem, et puis ce tube qu'on adore. Souvenez-vous, c'était Gourou Josh Project, la reprise de 2025. Dès votre réveil. Cette info sur laquelle je suis tombé, il y a une Allemande qui vient d'accoucher de son 10e enfant à l'âge de 66 ans. C'est fou. En gros, quand son bébé fera ses premières dents, elle dira au revoir à ses dernières. Bruno sur Fun Radio revient demain dès 6h. Radio 101.9. I'm Radio. Et bonsoir tout le monde, ça y est, c'est la troisième heure de l'émission, ouais. Les 23h, l'After Fun Radio. Tous les soirs, 21h minuit. C'est l'After Fun Radio. Allez, alors là, on va se régaler parce que déjà, il y a le DJ numéro 1 au monde, Martin Garrix, qui se prépare, ouais, avec Tol Diusso. Et puis évidemment, la chorégraphie que je connais par cœur, celle des LMFAO avec Party Rock Anthem. Everyday I'm shuffling. Ouais, exactement, on va l'écouter dans un instant, classique de 2010-2011. Et puis là, dès maintenant, ça aussi, c'est très très bon. Souvenez-vous, là, on était en 2007 à peu près, Guru Josh Project Infinity. Ça a été repris version 2025 avec Matt Way, avec un vocal par-dessus. Ça s'appelle Walking Away et c'est maintenant pour vous dans l'After Fun Radio. Écoutez ça, on est en direct jusqu'à minuit tous les soirs du lundi au jeudi. Girl, she on me chakra. Now stop when we in spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond, no. Gang of money. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no lead in our Zeppelin. Hey, every day I'm shuffling. Shuffling, shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up, hook up. Don't mess around. We just want to see you shaking up. Now you home with me. I'm shuffling. Something that's in my soul tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't live this way if I just let this go. Don't wanna hear my heart say, I told you so. Okay, all night been looking all my life, trying to find something new. So lost, but I will find my way tonight, and I know it's because of you. Radio. Une version exclusive, une version qu'on entend seulement ici dans l'After Fun Radio. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière non plus. David Guetta avec Anne-Marie, avec Baby Don't Hurt Me, remixé pour vous grâce à Matt qui s'occupe des platines jusqu'à minuit. On se fait plaisir, on fait la teuf dès le lundi soir. Il y aura notamment Batter Matt avec Vandag, énorme classique. Il y aura aussi le son avec lequel Francis Mercier ouvre tous ses sets. Il s'appelle Saoti. Vous l'avez découvert ici. Et bien, il arrive juste après Zef Dalida, Pablo Vitter et Isult. On écoute Alibi. C'est devenu un classique de Fun Radio, un classique de l'After Fun Radio. Safe in the dark, this world was never meant for a woman. c'est l'After Fun Radio. second nature for me to put you first. I will call you later if I can find the words. I know that I should hate you, 'cause you're easier to blame. I don't know your body like the back of my hand. Nobody can hold me in the way that you can. Even when you go, I'll never forget you. Baby, for tonight, can we just forget and push our problems aside? I still hold your name to everything I write. But I hope that you know the back of my hand. Nobody can hold me in the way that you can. Even when you go, I'll never forget you. Never forget you. Fun Radio. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out its meaning. We hold these truths to be self-evident at all men. this nation will rise up, live out the meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will make me able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. One day. Je sais pas si on appelle ça classique ou légende. Finalement, ce son, parce que franchement, c'est légende. Hein. Ouais, je pense, on peut le mettre dans ce classeur-là. Hein. Bakermat avec Van Dag à l'instant dans l'After Fun Radio. C'est comme ça qu'on fait la teuf chaque soir pendant 3 heures, la famille, avec Matt au platine, ouais, avec Alex à la danse. Heureusement, vous le voyez pas, même si je vous rappelle que l'émission est filmée, ça se passe sur funradio.fr et sur l'application Fun Radio. Moi, je le vois. Hein. Bah, tu sais quoi? Moi, ce que je veux voir, c'est un petit Abel Hélène qui arrive. Oui, bah, ça aussi, elle. Elle va rentrer dans la légende, clairement. Alors, en ce moment, on ne parle que d'elle. Amélie Lens, on va l'écouter avec Falling For You dans un instant. Je sais que vous adorez ce son. Les Son of Legend aussi. Son of Legend, il est tout seul. Et Gabri Ponte dès maintenant aussi. Ça, c'est un énorme tube en ce moment. Tout le monde l'adore, ce tube de Gabri Ponte. Ça s'appelle Exotica. Ouais. Et la première fois que vous l'avez entendu, c'était ici, dans l'After Fun Radio. Écoutez. Soy todo tuyo, de 100 hasta 0. Quiero quedarme aquí, que solo sea ilusión. Mi corazón vuelve a latir por ti. Quiero quedarme aquí, aunque solo sea ilusión. Mi corazón vuelve a latir por ti. Ella es exótica, mueve su cuerpo natural, su mirada hipnótica. Quiere ser una santa, ta, ta, exótica. Una diosa tan criminal, la diosa de la tropical, quiere ser una santa, ta. Mueve su cuerpo natural, su mirada hipnótica. Quiere ser una santa, ta, ta, exótica. Una diosa tan criminal, la diosa de la tropical. Quiere ser una santa, ta. Dans l'After Fun Radio. The last that ever she saw him carry Just don't cry. Just the sunrise. Show me what it feels. j'ai envie de dire encore une. Encore une version qu'on entendra nulle part ailleurs. Clairement, celle de Lil Nas X Star Walking, remixée par Clifton et Robin Lyon à l'instant dans l'After Fun Radio. C'est comme ça que ça se passe. Chaque jour, 21h minuit. Il y a des classiques, il y a des nouveautés, il y a des versions exclusives et il y a des stars. Oh, que ça, oui. Il y a des stars, notamment celui qui était venu nous voir ici dans l'émission de référence des DJ Bob Sinclair. Son set d'ailleurs à retrouver évidemment en podcast sur funradio.fr. Il arrive avec un énorme classique. Rocks is party. Juste après Rodolphe pour Numb, maintenant dans l'After Fun Radio. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. I don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Thank you. Radio. Fun Radio. See you tomorrow.

Radio. Allez, c'est parti, minuit, bienvenue les amis, bienvenue sur la première radio dance de France, c'est Fun Radio, on y est les amis, dans 3 jours, Fun Radio, Ibiza, expérience la plus grosse teuf de l'année, Morten, il sera là, on va l'écouter évidemment sur Fun Radio après Basto et Epsilon. Enjoy, dance, dance, music, again.

Music. Vous écoutez Fun Radio. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the it's whatever you like. Turn this up into a club. I'm talking drinking, smoke free, party all night. Come back, come back, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Are you ready? Cause I'm coming to get ya. Get ya, get ya. Hold on, hold on, I'm on my way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I'm on my way. Hold on, hold on, I'm on my way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Quel banger ce morceau. José Bruno Mars, Apathé, Apathé à l'instant sur Fun Radio. Bienvenue les amis, MC Ménor, JP, les Black Eyed Peas arrivent. Et puis ça y est, dans trois jours, on y est. La plus grosse taf de France, Fun Radio Ibiza Experience, en partenariat avec Nickel, hein, qui vous permet d'avoir un compte, une carte, un RIB en moins de 5 minutes chez votre buraliste ou en ligne. Il y aura Morten, et vous savez quoi Morten, on se prépare direct là. On se met dans l'ambiance, on l'écoute maintenant avec David Guetta et Fédé Legrand. Morten, David Guetta, Fédé Legrand, c'est parti. Night in Détroit pour passer la nuit avec la dance musique de Fun Radio. Put your hands up for Detroit. I love the city. Detroit, I love the city. Put your hands up. Put your hands up. Put your dance up for Detroit. I love the city. Put your hands up for Detroit. Fun Radio. Fun Radio. Enjoy. Enjoy dance music. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God, jump out that sofa, let's kick it off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed down, I wanna let it go. Let's go way out, faced out, losing all control. Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night, hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money, hey, let's spin it. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like, oh my God. Like, oh my God. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up, and do it, and do it, and do it, and do it, and do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go, now we on top, top, top, top, top. Feel the shot, body rock, rock it, don't stop, stop, stop, stop, stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Keep with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Woo-hoo. Enjoy dance, dance music. Fun Radio. Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver. Ela

ce morceau-là quand il va le jouer en live là vendredi, ça va être une dinguerie. Dimitri Vegas sur Fun Radio, Dimitri Vegas qui sera à Fun Radio Ibiza Experience. Tiens, pour tous ceux qui sont pas sur place, hein, qui ont pas eu les places ou alors qui peuvent pas venir, sachez que la soirée sera diffusée en intégralité toute la nuit, toute la soirée sur Fun Radio et sur funradio.fr et sur l'appli Oki aussi évidemment. Rema et Selena Gomez, voilà avec quoi on enchaîne juste avant Gabri Ponte et Tiesto sur Fun Radio. Belle nuit à tous. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart. For lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know, say she slap the bus it down one one. But she feeling insecure, cause her friends go dey go my light ring go on. Go dey go my light ring go on. I see me got a small walk. As me I wake up, now she did my mind on walk. In my mind on walk. In one day, two, one of you focus. Now so me I go long, so make me lean go walk. Make me lean go walk. Calm down, yo, this your body, it puts in my heart. For lockdown, oh lockdown. Yo, you feel like phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Radio. Fun Radio. Hoy somos tú y yo. Llévame al cielo. Soy todo tuyo. De 100 hasta cero. Quiero quedarme aquí, que solo sea ilusión. Mi corazón vuelve a latir por ti. Exótica, mueve su cuerpo natural, su mirada hipnótica, quiere ser una santa, ta, ta, exótica, una diosa tan criminal, labios saben a tropical, quiere ser una santa, ta, exótica, mueve su cuerpo natural, su mirada hipnótica, quiere ser una santa, ta, ta, exótica.

Fun Radio. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. Songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See heaven's got a plan for you. Don't you burn down. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world, thought I'd never lose her out of sight. We were so young, I think of her now and then. I still hear the songs, reminded me of a friend. Con reggaetón y dembow, me siento como el lápiz.

king. Gracias a Dios estamos bien. No me hace falta nada, mi tiempo vale más que tu reloj. Manito, me la tuve que sudar, no fue por suerte que a mí me llegó. De donde vengo viene tumbado, sigo aquí nadie me ha tumbado. En todos los paris estamos soldados, y siempre ando con mis soldados. Que no te mate la envidia con mi progreso. Manito, no estamos en eso. Estamos bien. Fun Radio. Enjoy. Enjoy dance music. Fun Fun Radio. Je me noie dans les eaux troubles. J'ai besoin d'une main. Je ne veux plus attendre ici. Il faut que je sache. Tu irais jusqu'au bout. Paris à Tokyo, de Londres à Rio, je veux juste savoir. Tu irais jusqu'où? De Paris à Tokyo, 200 à 0, je veux juste savoir. Tu irais jusqu'où? De Paris à Tokyo, de Londres à Rio, je veux juste savoir. Tu irais jusqu'où? De Paris à Tokyo, 200 à 0, je veux juste savoir. Tu irais autour du monde, autour du monde, autour du monde. Tu irais autour du monde, autour du monde, autour du monde. Tu irais jusqu'où? De Paris à Tokyo, de Londres à Rio, je veux juste savoir. Tu irais jusqu'où? De Paris à Tokyo, 200 à 0, je veux juste savoir. Tu irais autour du monde, autour du monde, autour du monde. Tu irais autour du monde, autour du monde, autour du monde. Tu irais autour du monde, autour du monde, autour du monde. Tu irais jusqu'où? Je veux juste savoir. Tu irais jusqu'où? De Paris à Tokyo, de Londres. Fun Radio. Première radio dance. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Kinda busy. sick and tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls cause I'll be dead too. Courage les amis, à vous qui bossez là partout en France, toute la nuit sur Fun Radio. Je m'appelle Théo et je vous accompagne avec de la dance music. C'était Lady Gaga et Beyoncé à l'instant. On va retrouver Calvin Harris pour la suite avec l'immense voix de Rag'n'Bone Man. Je veux absolument vous passer aussi Trina Crea, Bacon Popper, reprise de U2, version dance music évidemment sur Fun Radio. Ça sera juste après le dernier petit biscuit, Without You sur Fun. Somehow and everything I don't is a little bit of you that you left behind. It's burning up, remember you told me it's time I find out. Who would I be without you? Can't figure out what would I do. I hate this but I have to. No more bluffing, here goes nothing. Who would I be without you? Without you, without you, without you, who would I be without you? Without you, without you, without you. I'm all right now. When I'm home and then I'm reaching out. And in the morning feeling 6 feet down. Trying to hold on. Who would I be without you? Can't figure out what would I do. I hate this but I have to. No more bluffing, here goes nothing. Who would I be without you? Without you, without you, without you, who would I be without you? Without you, without you, without you. Who would I be without you? Found the radio. Fun Radio. Faudrais-tu de moi dans ta vie? Je serais prête à payer le prix de satisfaire tes envies. T'es sexy boy, est-ce que t'es free? Je n'ai besoin que de ton avis. Pour le reste, je suis une grande fille, alors dis-moi oui. Todo me gusta de ti, hoy me voy contigo. Baby, dime que sí. Baila lo sexy. Radio. Patience feels like I've been waiting for a lifetime for lightning to strike me. Daydreams feels like I've been sending out the signals, hoping that you'll find me. I don't need the details, you don't need to tell me. It's like I already know where you'll be. You and me, we were lovers in a past life, so écoutez,

Katrina Kria avec Bacon Popper, c'est l'un des morceaux que je préfère en ce moment. Free Now, à l'instant sur Fun Radio, les amis, demain 6h-10h, Bruno qui sera là, qui va vous réveiller, puis Bruno qui paye vos factures aussi, hein, comme chaque jour. Vous envoyez tout ça à facture@funradio.fr, on vous rappellera peut-être demain matin à 7h50. Voici les Chainsmokers, ça va faire du bien, ça, classique Fun Radio, le Don't Let Me Down. Crashing, hit a wall, right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. Nobody by my side. Yo, this is Shaggy. And this is my brand new song. Just like rebellion. Oh, saying, oh, no, no, no, there's nobody. Enjoy. Dance music. Let us start the rebellion, you know. Shaggy. I found nirvana in a broken heart. The moment you came around. Stuck in my memory like a piece of art. You make the colors so loud. Yeah, days and nights we feel it like one. Chasing highs and burning too hot. You say, are you ready or not? Yeah. Saying, oh no, no, no, there's nobody. I can love like we love from the dust till the dawn. Saying, no, no. Saying, oh, no, no, no, there's nobody. Yeah, it won't bring us down from this high that we're on. Singing, oh, no, no, no, I'm not sorry. Feels like rebellion, just like rebellion. I got my girl standing right by my side. Yeah. You and me alone against the world, kinda like Bonnie and Clyde. You said I'm not worthy enough to get you it, no matter what they tried. Cause life is a journey and it's only with you that I wanna take this ride. Yeah. I know that we're only human. Together we have the solution. Let's start a love revolution. Let's try the illusion. There's nobody, nobody at all. They won't bring us down from this high that we're on. Singing, oh no, no, no, I'm not sorry. Feels like rebellion, feels like rebellion. Let's start a love revolution. Yeah, they won't bring us down from this high that we're on. Nobody. Singing, oh,